produit original, pas de contrefaçon. Vent cause déménagement, double emploi, doublon, pour pièces, reconditionné, pour réparation, bon état, Minitel. Médium interactif par numérisation d'informations téléphoniques, PTT, France Télécom RTIC, par Alcatel Telic, thermoformé par Matra, famille Intel 8052, complet, câble électrique, téléphonique, avec clavier mécanique ABCDEF, AZERTY, QWERTY, couleur vert kaki, Vito, pas d'envoi, livraison offerte. Remis en main propre. Possible livraison. Déplacement possible. À venir chercher sur place. Tous les caleçons que j'ai donnés, pourquoi tu les mets? Prix fixe. Prix négociable dans la limite du raisonnable. Prix non négociable. Pour acheteurs sérieux, pas sérieux s'abstenir. Minitel, Minitel.